mouvement du quartier sud de Malartic est demeuré très actif depuis sa formation en septembre. Depuis le début des discussions, le regroupement tente de régler le plus rapidement possible la vente des propriétés à la minière Osisko. Lors d'une rencontre de négociation, une somme de 5 000 $ a été offerte par la compagnie minière. Cette somme doit couvrir une partie des frais liés à une consultation juridique afin que les résidents puissent connaître leurs droits. Le regroupement a aussi obtenu l'appui du député d'Abitibi-Est, Pierre Corbeil. Ils sont venus me voir à mon bureau. On a eu un échange très constructif. Ils m'ont fait valoir leur point de vue. J'ai accepté de faire les représentations auprès de l'entreprise et l'entreprise a accepté de revoir son montant à la hausse. À la suite de l'intervention du député, le représentant des résidents du quartier sud, Régent Godet, a reçu une réponse de la compagnie minière. Et puis, Osisko nous a confirmé ce matin qu'ils offraient 10 000 $ pour pouvoir avoir un avocat qui va s'occuper de notre dossier. Selon Régent Godet, le dossier du rachat des propriétés des résidents du quartier sud devrait se régler rapidement au début de 2011. Cindy Caouette, Radio-Canada, Val-d'Or.